vent se lèvera, le ciel se couvrira de nuages rouges et trépas. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Il fera très sombre pendant 40 jours. Et dans la pénombre, seule une lumière luira toujours. Ce sera le temps où chacun tremblera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Hey, hey, hey. Que l'hiver est là. Hey, hey, hey.